Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Les activités humaines contribuent à modifier l'environnement terrestre. On en a des exemples partout autour de nous, presque à chaque jour. Mais sommes-nous en train de modifier la planète au point où notre place sera à jamais enregistrée dans les sédiments, les calottes glaciaires et plus loin encore dans les roches du futur? C'est ce qu'affirment de plus en plus de scientifiques, géologues, glaciologues, biologistes ou spécialistes des archives environnementales et selon eux, nous serions entrés dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Quels sont les indices scientifiques de cette entrée dans l'Anthropocène? On en parle avec Frédéric Bouchard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, si tu commençais par le mot Anthropocène lui-même, c'est un mot aux allures un peu savantes, peux-tu nous le décortiquer? Oui, c'est un terme géologique qui a été proposé pour définir l'époque actuelle de l'histoire de la Terre, durant laquelle les activités humaines ont eu un impact global, significatif et observable sur l'écosystème terrestre, sur la biosphère à l'échelle planétaire, autrement dit sur le climat aussi global. Autrement dit, c'est l'époque où l'homme est devenu une force géologique à l'échelle planétaire. Et comme presque toujours en science, le mot lui-même vient du grec d'ailleurs, anthropos qui veut dire humain et kainos qui veut dire nouveau. En fait, l'anthropocène a été défini de façon analogue aux périodes plus récentes du calendrier géologique. Par exemple, le pléistocène, encore du grec pléistos pour le plus et kainos pour nouveau. Le Pléistocène, donc, désigne l'époque des grandes glaciations récentes qui ont affecté la Terre au cours des deux derniers millions d'années. 2 millions d'années, ça peut paraître très long à notre échelle, mais pour la Terre, c'est très court et très récent. Plus près de nous, enfin, l'Holocène, Holo entier et Kainos nouveau, encore une fois, représente l'époque post-glaciaire qui s'est donc écoulée depuis la fin de la dernière glaciation, soit les derniers 10 000 ans environ. Et sur quels indices se fondent les scientifiques pour affirmer que l'homme est en train de laisser sa trace géologique? On pourrait dire 3 grands types d'indices. Premièrement, l'apparition dans les couches sédimentaires à plusieurs endroits dans le monde, d'ailleurs, de débris de matériaux synthétiques manufacturés, comme par exemple l'aluminium, le plastique, le béton, surnommés d'ailleurs les technofossiles par les chercheurs. Et ces couches de débris anthropiques-là, coïncident d'ailleurs avec des pics de concentration de certains éléments radioactifs comme l'uranium, le césium, le plutonium, et aussi de plusieurs de particules fines provenant de l'utilisation de combustibles fossiles. Donc des marqueurs qu'on pourrait dire stratigraphiques, mais purement anthropiques, qui proviennent de l'activité humaine. Deuxièmement, certains grands cycles chimiques essentiels à l'équilibre des écosystèmes, comme celui du carbone, de l'azote ou du phosphore, semble avoir été significativement modifié au cours des dernières décennies, notamment par l'agriculture intensive, dans le cas du cycle de l'azote et du phosphore, et aussi les émissions humaines de dioxyde de carbone et méthane, la déforestation, dans le cas du cycle du carbone. Et cette déforestation-là serait aussi responsable de l'intensification des flux sédimentaires dans les cours d'eau. Et enfin, troisièmement, l'écosystème terrestre lui-même serait en train de changer en réaction aux activités humaines depuis le siècle dernier. Augmentation du niveau marin, modification du climat, remplacement ou extinction de nombreuses espèces biologiques, par exemple. Est-ce que tous ces signaux sont observables à partir du même moment? Autrement dit, quand exactement a commencé l'Anthropocène? Quand exactement? Ben, c'est ça la question. Si la plupart des scientifiques semblent être d'accord sur l'existence de cette empreinte géologique planétaire de l'activité humaine, il y a beaucoup moins de consensus sur sa durée exacte. Donc, sur son commencement précis. Certains proposent de faire débuter l'Anthropocène lorsque les chasseurs-cueilleurs ont été remplacés par les premiers agriculteurs qui ont forcément modifié leur environnement en contrôlant les récoltes et les migrations animales. C'est aussi le début, au fond, de la déforestation qui a sans doute modifié légèrement le cycle du carbone il y a plusieurs millénaires. Par contre, plusieurs rétorquent que ces effets-là ont dû être plutôt localisés, tout au plus ressentis à l'échelle régionale. Il y a d'autres scientifiques qui proposent plutôt la révolution industrielle du 19e siècle comme début officiel de l'Anthropocène. C'est à ce moment-là que la population mondiale a atteint 1 milliard de personnes. C'est aussi à ce moment-là que l'homme a commencé à utiliser les énergies fossiles, donc d'abord le charbon, puis plus tard est venu le pétrole et le gaz naturel. On retrouve d'ailleurs les premières couches de cendres de combustibles fossiles dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique à des profondeurs correspondant à environ cette époque-là. Et puis enfin, selon certains géologues, ce serait plutôt le début du 20e siècle, le milieu, pardon, du 20e siècle, donc les années 50-60, qui marquerait le début de l'Anthropocène. Ou en raisonnant en termes stratigraphiques, la base de l'Anthropocène, hein, toujours du bas vers le haut, du plus vieux vers le plus jeune. C'est en effet à ce moment-là que les premiers essais atomiques ont fait circuler et se déposer à la grandeur de la planète des substances radioactives qui ont été piégées dans les sédiments et qui devraient laisser une marque stratigraphique reconnaissable dans les prochains milliers, même les prochains millions d'années. Est-ce que les scientifiques vont finir par s'entendre sur le commencement précis de l'Anthropocène? C'est pas un peu futile comme débat, étant donné la longueur des périodes géologiques? Oui, en général, les vieilles périodes géologiques, la base du calendrier géologique sont très, très longues. Et évidemment, plus on se rapproche de nous, plus ça se raccourcit. Il faut savoir que les périodes géologiques sont définies par leur limite inférieure, qui doit correspondre à un événement géologique, climatique, écologique, majeur à l'échelle du globe et qui doit être enregistré dans les sédiments. Donc, ça doit être un événement planétaire important. C'est donc essentiel de s'entendre sur l'amplitude de cet événement et sur son déroulement sur l'ensemble de la surface terrestre. La création d'un nouvel intervalle dans l'échelle des temps géologiques doit donc suivre un long processus établi d'études et d'approbation entre les spécialistes, en l'occurrence des géologues, des paléontologues. On ne badine pas avec l'échelle des temps géologiques. L'organisme en charge de ce processus est la Commission internationale de stratigraphie, dont l'un des principaux mandats est l'établissement d'une échelle des temps géologiques standardisée. L'ICS, la Commission internationale de stratigraphie, doit donc adopter une recommandation, la proposer à une instance internationale plus large qui s'appelle l'Union internationale des sciences géologiques. L'IUGS, International Union of Geological Sciences, qui, elle, doit ultimement ratifier l'intervalle et le nom de la nouvelle subdivision géologique. Et justement, où en est rendu le processus? Ben, on devrait en savoir plus cette année, puisque justement en août et septembre 2016, à Cape Town, en Afrique du Sud, se tiendra le prochain Congrès international de géologie, durant lequel se réunira justement l'IUGS, l'Union internationale des sciences géologiques. On devrait donc entendre parler encore plus de l'Anthropocène à ce moment-là. Ça va se discuter, ça va se voter, en fait. J'invite les gens qui veulent en savoir plus sur les aspects vraiment stratigraphiques de l'Anthropocène, les marqueurs ou les indices dont j'ai parlé en début de chronique. J'invite ceux qui veulent en savoir plus à parcourir l'édition du 8 janvier 2016 de la revue Science. Il y a une vingtaine d'auteurs qui expliquent en détail ces marqueurs stratigraphiques dans un article qui est intitulé « The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene ». Autrement dit, l'Anthropocène serait une subdivision, selon eux, distincte des autres périodes dans l'échelle des temps géologiques. Merci beaucoup, Frédéric Bouchard. Ces connaissances seront désormais stratifiées dans les archives de Futur Simple. Merci.